On va commencer tout de suite, Inch'Allah, Bismillah. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Sharh Usul al-Iman, avec les explications du Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et donc, alhamdulillah, le point qu'on va expliquer maintenant, on est dans le chapitre au sujet de la aqidah à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs. Naam, donc, pour commencer, pour le hadith qu'on explique aujourd'hui, c'est le hadith numéro 6 dans ce chapitre à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Et le hadith, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, et il est rapporté ici par Al-Bukhari Muslim également selon Ibn Umar radiyallahu anhuma. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت. بسم الله. OK. Désolé. Donc on reprend donc la lecture du hadith lui-même. نعم عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى رواه البخاري ومسلم. OK, donc c'est un hadith qui est rapporté selon Ibn Omar. Ibn Omar, c'est يعني Abdullah. Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma. Et il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les clés de l'invisible sont de 5. Seul Allah les connaît. » C'est-à-dire, personne ne les connaît excepté Allah. Et donc, il a mentionné ces 5. Il a dit, premièrement, « Personne ne sait ce qu'il va y arriver demain, excepté Allah. » Et personne ne sait ce que cachent les matrices, hein, excepté Allah. C'est-à-dire ce que une femme a dans son ventre lorsqu'elle est enceinte. وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِ الْمَطَرُ إِلَّا وَلَا يَدْرِ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِ الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهِ. Personne ne sait quand va tomber la pluie, excepté Allah. Et personne ne sait en quelle terre une âme va mourir, excepté Allah. Et personne ne sait quand viendra l'heure du jugement dernier, excepté Allah. Donc ça, c'est les 5 clés de l'invisible. Mafatih al-Ghayb. Mafatih al-Ghayb. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant. Il dit, « هذا الحديث » فيه إثبات العلم لله جل وعلا وأن الله عليم وفيه أن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ولهذا قال جل شأنه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. جاء تفسير هذه المفاتيح في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه المفاتيح الخمسة لا يعلمها إلا الله، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من خلقه تبارك وتعالى، فهي من الأمور التي اختصها الله أو التي اختص الله بعلمها. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت سواء لا نعلم هذا الأمر، لأن هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر هذا في القرآن الكريم، فقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، وقال يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فلا يعلم أحد متى قيام الساعة إلا الله. أما هؤلاء الذين يحسبون ليقدروا عمر الحياة الدنيا، إنما هم من الكذبة الذين يكذبون على الله جل وعلا وينازعونه في علمه. Donc le cheikh il explique premièrement que Allah, dans ce hadith, il y a l'affirmation de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah subhanahu wa ta'ala est alim. Alim, ça veut dire qu'il a la connaissance de toutes choses. Et que c'est lui qui détient les clés de l'invisible, les clés du ghaib. Personne ne connaît ces choses excepté lui. Et comme il le mentionne lui-même dans Sourate Al-An'am, le verset 59, et c'est à lui qu'appartient les clés de l'invisible. Personne ne les connaît excepté lui, et il sait ce qu'il y a dans la terre et dans la mer. Et l'explication de ces clés de l'invisible ont été mentionnées dans Sourate Luqman, le verset 34 à la fin de la Sourate. Lorsque يعني Allah subhanahu wa ta'ala il explique il mentionne les cinq éléments de la connaissance des clés de l'invisible justement dans ces versets là dans sourate Luqman. Et donc on peut les lire ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset ce qui signifie « La connaissance de l'heure est auprès d'Allah, l'heure du jugement dernier, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice, et il sait ce qu'il y a dans les matrices, c'est-à-dire les ventres des femmes enceintes, et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. » Certes, Allah est omniscient, c'est-à-dire il a la connaissance de toutes choses et il est parfaitement connaisseur. Donc ça, c'est dans ce verset les cinq éléments des clés de l'invisible qui sont résumés. Et le cheikh il dit ensuite que ces clés, ces cinq clés, personne ne les connaît excepté Allah. C'est clair que par rapport à ce que le cheikh il explique ici, que il y a beaucoup d'éléments ou de choses qui font partie du ghaib et que personne ne connaît excepté Allah. Mais ces éléments-là, ça fait partie des choses les plus importantes qui font partie du ghaib. Et le cheikh, il explique que personne ne peut connaître ces éléments du ghaib, ni les anges rapprochés, ni un prophète envoyé, et ni aucune de ces créatures. Ce sont des choses dont la science sont exclusives et spécifiques à Allah seul. Et c'est pour cette raison-là que lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été questionné par Jibril, hein, et que Jibril lui a posé la question, quand est-ce que sera l'heure du jugement dernier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu dans le hadith, il a dit, mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. C'est-à-dire que celui qui est questionné ne sait pas plus que le questionneur à ce sujet-là. C'est-à-dire que ni toi ni moi ne savons la réponse à cette question-là. Personne ne connaît l'heure du jugement dernier excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est mentionné dans plusieurs versets dans le Coran. Et il a mentionné par exemple le verset 187 dans Sourate Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et il te questionne à propos de l'heure. Quand est-ce qu'elle jettera l'ancre? C'est-à-dire, quand est-ce qu'elle viendra? Et Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ensuite, dis au Muhammad, seulement mon Seigneur, a la connaissance de cela. Hein, sa connaissance n'est qu'auprès de mon Seigneur. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne connaît l'heure du jugement dernier, excepté lui. Ensuite, il dit, il cite un autre verset dans Sourate Al-Ahzab, le verset 63, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il te questionne, hein, les gens te questionnent à propos de l'heure du jugement dernier. C'est-à-dire, quand est-ce que viendra l'heure du jugement? Dis, hein, sa connaissance est uniquement auprès d'Allah. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Et qui te dit que qu'il se peut qu'elle soit proche, cette heure, hein? Donc, il n'y a personne qui sait quand va venir l'heure du jugement dernier, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les gens qui essaient de calculer l'âge de la dunya, ou combien de temps existe le monde, hein? Cheikh, il dit, ces gens-là, c'est des menteurs. Ils mentent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils essaient de lui disputer sa science. Ensuite, le Cheikh, il dit, wa qawluhu jalla wa ala wa yunazzilu al-ghaytha. Wa yunazzilu al-ghaytha. وقوله في آية أخرى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وفيه بيان أنه لا أحد يستطيع أن ينزل الغيث من السماء إلا الله جل وعلا ولا أحد يدري أيضا متى ينزل الله الغيث فهو من اختصاص الخالق سبحانه وتعالى وأما ما يذكر في وسائل الإعلام كالإذاعة والتلفاز من توقعات حول هبوب الرياح وما أشبه ذلك ذلك هو ليس من باب الجزم إنما هو من التوقعات المبنية على ظواهر جوية والتي من الممكن أن تصيب وأن تخطئ فلا يقال إن هؤلاء يعلمون مما استأثر الله بعلمه من نزول المطر. Donc, le cheikh, il explique que parmi les clés de l'invisible que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset dans Sourate Luqman et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith, il y a donc le fait que c'est lui seul qui connaît quand la pluie descend. Ou quand la pluie tombe. Et il dit donc dans le verset 34, dans Sourate Luqman, et c'est lui qui fait descendre la pluie. Et dans le verset 28, dans Sourate Ash-Shura, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et c'est lui qui fait descendre la pluie, même ba'dima qanatu, après qu'ils aient imploré ou invoqué la pluie, lorsqu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de faire tomber la pluie, c'est lui qui l'a fait tomber. Et le cheikh explique que ça, c'est l'explication que personne, ça signifie que personne ne peut faire tomber la pluie du ciel excepté Allah Azza wa Jal. Et il n'y a personne non plus qui sait quand est-ce que la pluie va tomber. Hein? Ils ne peuvent pas savoir. Les gens ne peuvent pas savoir quand est-ce que la pluie va tomber. Ils ne peuvent pas savoir non plus où est-ce qu'elle va tomber non plus, à l'avance. Et le cheikh, il explique que cela, ça fait partie des choses qui sont spécifiques à Allah, le Créateur. Il dit, en ce qui concerne ce qu'on entend dans la météo parfois, hein, soit à la radio ou à la télé, quand ils font des prédictions par rapport à la tombée de la pluie ou à la température ou... ils disent la météo, c'est-à-dire quand, quelle température il va faire, quand est-ce que la pluie va tomber ou quand est-ce qu'il y aura de la neige, combien de pluie, et ainsi de suite. Le cheikh, il dit ça, c'est seulement des prévisions. Et ce n'est pas quelque chose qui est définitif ou qui est certain. Et c'est basé sur des signes apparents. Hein? Et c'est possible que ce soit vrai ou que ce soit correct. Et c'est possible également que ce soit erroné. Et donc, le cheikh, il dit que on ne doit pas dire, dans ce cas-là, que yani, les gens qui disent la météo connaissent la science d'Allah. Hein? Ce que Allah a gardé comme science au sujet de la tombée de la pluie. Combien de fois ils font une prédiction, puis qu'on constate que finalement, ce n'était pas tel qu'ils avaient prévu. Ça arrive très souvent. Hein? Ils disent, il va pleuvoir. Et puis finalement, on attend la pluie toute la journée. Même des fois, les gens, ils avaient prévu de faire quelque chose. Ils ont dit, oh, on va faire telle chose à ce jour-là. Et lorsqu'ils regardent la météo, ils disent, oh, ils ont prévu de la pluie, donc on ne va pas le faire. Finalement, ils annulent et... ils regardent toute la journée, il n'y a jamais eu de pluie ce jour-là. Et des fois, c'est le contraire. Ils vont dire, ah, il va faire beau toute la journée, il n'y aura pas de pluie. Puis, quand les gens sortent, et puis finalement, de la pluie, alors, c'est pour dire que les prévisions ne sont pas... Ce n'est pas quelque chose d'exact tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est certain. Parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît de façon certaine où est-ce que la pluie tombe et quand est-ce qu'elle tombe. Des fois, par exemple, tu vas voir un nuage qui approche, tu dis « Ah, il va pleuvoir ». Finalement, il passe par-dessus la ville et il n'y a pas une goutte de pluie qui tombe. Et le nuage dépasse et il s'en va plus loin. Et puis, il va laisser tomber la pluie qu'il a plus loin, à un autre endroit. Donc, c'est pour dire, c'est Allah qui sait, c'est Allah qui décide. Le cheikh, il dit ensuite, wa qawluhu, hein, c'est pour ça que lorsque le musulman, s'il fait des prévisions de la météo et tout, il devrait toujours dire, Inch'Allah, hein, quand il dit, il va y avoir de la pluie demain, il dit, Inch'Allah, d'accord, parce que personne ne sait, excepté Allah. Après, il dit, wa qawluhu jalla wa ala, wa ya'lamu ma fil arham. أي الأجنة التي في البطون لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى سواء التي في البطون في بطون الآدمي في البطون الآدميات أو التي في بطون البهائم والحيوانات فلا أحد يدري ما في بطونها من حيث كونه ذكرا أو أنثى أو حيا أو ميتا أو كامل الخلقة أو ناقص الخلقة يعني فلا يعلم كل هذا إلا الله جل وعلا حتى الملك الموكل بنفث الروح إذا جاء لينفخ الروح فإنه يسأل الله عز وجل عن أجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد فيكتب ما أخبره الله جل وعلا أما بخصوص ما استحدث الآن من صور الأشعة التي تشخص الحمل على الأجهزة المصورة فيخبرون بكونه ذكرا أو أنثى فهذا ليس من الأمور الداخلة في علم الغيب وإنما هو من علم الشهادة التي تحصل بواسطة الأجهزة التي تصور ما في البطون فتظهره فهو ليس من علم الغيب لأنه لا أحد يعلم حقيقة ذلك قبل التصوير التي تتم بواسطة الأجهزة المذكورة ثم لو قدر أنهم علموا بكونه ذكرا أو أنثى أو حيا أو ميتا فهم لا يدرون شيئا من أجله أو من عمله أو هل هو شقي أم سعيد حتما هم لا يدرون شيئا عن ذلك كما لا يدرون شيئا عن رزقه فكل هذه الأمور من الأشياء التي استأثر بعلمها الله عز وجل. Donc le cheikh il explique maintenant que il y a personne qui sait non plus ce qu'il y a dans les matrices, en voulant dire ce qu'il y a dans le ventre des femmes ou dans le ventre des femelles de façon générale. Il dit le cheikh que les fœtus qui sont dans les ventres des femmes, personne ne sait leur situation ou leur état, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe que ce soit dans les ventres des femmes, ou parmi les femmes, les fils d'Adam, ou bien les filles d'Adam, ou bien parmi les bétails ou les animaux, ou les êtres vivants, de façon générale, il n'y a personne qui sait ce qu'il y a dans leur ventre, du fait que ce soit des mâles ou des femelles, ou que ce soit une créature qui est vivante ou morte, ou qu'elle soit créée de façon complète, ou qu'elle ait une infirmité quelconque. Yani, tout ça, il n'y a personne qui le sait, excepté Allah Jalla wa Ala. Il dit que même l'ange qui a été chargé par Allah subhanahu wa ta'ala pour insouffler l'âme dans les corps des êtres humains, lorsqu'il envoie les anges justement pour introduire l'âme dans leur corps, il demande au moment où il vient pour souffler l'âme, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il doit écrire la destinée de cet être humain. Donc il demande à Allah à propos de son terme, combien de temps il va vivre, ou à propos de ses œuvres, qu'est-ce qu'il va faire, et à propos de sa destinée ou de son sort, est-ce qu'il va être heureux ou malheureux. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'informe de cela, et l'ange l'écrit par la suite. En ce qui concerne ce qui a été inventé à notre époque comme appareil pour faire des échographies et pour essayer de diagnostiquer le fœtus, à savoir est-ce que c'est un garçon ou une fille, ou des choses de ce genre. Le cheikh, il dit ça rentre même pas dans la science dans la connaissance de l'invisible, puisque on parle justement du monde de ce qui est visible, et non pas du monde de ce qui est invisible. Puisque c'est par l'intermédiaire de ces appareils qu'ils sont capables justement de voir les images et de faire les photos de ce qu'il y a dans les ventres des femmes ou des animaux ou peu importe. Donc ce n'est pas de la science de l'invisible. Il dit en réalité, ils ne sont pas capables de savoir rien de ce qu'il y a à l'intérieur du ventre de la femme avant d'avoir justement utilisé ces appareils pour faire les images qui leur permettent justement de voir à l'intérieur. Sinon, ils ne sont pas capables de savoir sans ces appareils-là qu'est-ce qu'il y a, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille ou des choses de ce genre. Et combien de fois justement ils vont dire à quelqu'un l'enfant ça va être un garçon ou l'enfant ça va être une fille. Et par la suite, au moment de l'accouchement, on réalise que finalement, ils s'étaient trompés. Pour quelle raison? Ils se sont trompés parce qu'ils se sont basés sur ce qu'ils ont vu par l'intermédiaire de ces appareils-là. Et parfois, qu'est-ce qu'ils peuvent voir à travers ces appareils? Parfois, ça peut être confus, ou ça peut être flou, ou ça peut être, ça peut être erroné parce que peut-être un mouvement, un mauvais mouvement ou bien une mauvaise position fait qu'ils ne sont pas capables justement de bien distinguer comme il faut les organes génitaux de l'enfant lorsqu'il est dans le ventre de la mère. Donc peut-être qu'il s'imagine avoir vu par exemple quelque chose alors qu'il n'y a rien, ou bien il s'imagine de rien avoir vu alors qu'il y avait quelque chose, et par conséquent il donne le mauvais sexe de l'enfant. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et donc le cheikh il explique ici, il dit, ça ne fait pas partie du rêve ça. Hein? Et c'est comme certains ulama ont expliqué que il y a certaines choses qui sont seulement un rêve relatif. Un rêve qui est relatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être rêve pour certaines personnes et non pour d'autres. Ou qui peut être rêve à certains moments et non pas à d'autres. Yanni, pourquoi? Parce que ça dépend des instruments qui sont disponibles et ça dépend des choses qui sont des moments qui permettent de voir ou non, et ainsi de suite. Et comme le cheikh il l'explique ensuite ici aussi par la suite, il dit que malgré qu'ils ont ces appareils-là, même s'ils arrivent par exemple à déterminer si c'est un garçon ou une fille, ou si le fœtus est vivant ou mort, ou des choses de ce genre, malgré ça, ils ne sont pas capables de savoir par rapport à ce fœtus quel sera son terme, combien de temps il va vivre, quelles seront ses œuvres, quel sera son sort, est-ce qu'il va être heureux ou malheureux. Ça, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas savoir avec certitude. Et parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît cela, de même que son risque, sa subsistance, ils ne peuvent pas savoir ce qu'il va obtenir. Il n'y a personne qui sait cela excepté Allah. Hein? Et combien de fois il y en a des enfants, il y a des choses étonnantes qui se sont parfois produites dans l'histoire. Et des exemples de ça, tu vois, des enfants qui ont été volés à leurs parents quand ils étaient bébés, et donc qui ont grandi dans des familles autres que leur propre famille. Et donc tout ça pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver à une personne, hein? Quand il est bébé, qu'est-ce qui peut lui arriver et qu'est-ce qui va arriver durant sa vie. L'exemple de Moussa alayhi salam, c'est un exemple. Hein, quand il était bébé, comment sa mère l'a mis dans un panier sur l'eau et comment il a grandi dans la maison de Pharaon, hein, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des exemples de qadar. Qu'est-ce qui est arrivé à Youssouf alayhi salam? Hein, qui pouvait savoir que ce genre de choses allait se produire à Youssouf alayhi salam, qu'il allait être vendu, puis qu'il allait grandir dans une autre famille que la sienne, puis qu'il allait finalement, Allah allait l'éprouver de toutes sortes de façons. Ça veut dire que tout ça, ça fait partie de ce que Allah a prédestiné, et personne ne peut savoir à l'avance qu'est-ce qui attend une personne alors qu'il est dans le ventre de sa mère. Mais Allah, lui, il le sait, hein, parce qu'il a la connaissance de toutes choses. Ensuite, le cheikh il mentionne l'explication du point suivant. Wa qawluhu jalla wa ala wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada fa hadha min al musallamat allati aqarra biha an nasu قبل نزول القرآن ولهذا قال الشاعر الجاهلي زهير ابن أبي سلمة وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني من علم ما في غد عمي. هذا وهو إنسان جاهلي بأنه لا يدري ماذا يمكن أن يجري في الغد أو في المستقبل. كون هذا الأمر من علم الله جل وعلا فمن باب أولى أن يقر بذلك من جاء بعده على مر العصور. وقوله جل وعلا وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني الموت لا بد منه ولكن المجهول مكانه وزمانه، هل هو في البر أم في البحر أم في الجو، فلا أحد يدري متى وأين يكون ذلك، لكنه أين يكون نعم لكونه في علم الله، وحيث جل لكونه في علم الله وحده جل شأنه، إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث إثبات العلم لله جل وعلا، وفيه بيان مفاتيح الغيب التي ذكرها الله في قوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا هو، فهو تفسير للآية. والغيب ما غاب عن الناس، والشهادة ما شاهدوه، والله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أي ما ظهر للناس وما خفي عليهم، فالله سبحانه عليم به. Donc, le Cheikh, il termine l'explication de ce hadith-là en disant que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans Sourate Luqman, « Et nulle âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain. » Comme il mentionne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith, dans le premier point justement, « La ya'lamu ma fi ghadin illallah » C'est-à-dire, personne ne sait ce qu'il va y avoir demain, excepté Allah. Donc, si on ne sait pas ce qu'il y a demain, comment on peut prétendre connaître l'avenir? Personne ne connaît l'avenir excepté Allah. Et ce n'est pas seulement qu'est-ce qui va arriver demain qu'on ne sait pas. On ne sait même pas ce qui va y arriver dans 2 minutes, ou dans 5 minutes, ou dans 10 minutes. On pense ou on prévoit des choses, mais la réalité, ça, c'est quelque chose qu'on ignore. Qui d'entre nous pouvait prédire que on allait passer 3 mois à l'intérieur de nos maisons, 3 ou 4 mois? Qui pouvait prédire ça à l'avenir? L'année passée, personne pouvait savoir ça. Personne pouvait imaginer ça. La preuve, beaucoup d'entre nous, on avait fait d'autres projets. Certains avaient prévu de partir faire la Umrah. Certains avaient prévu voyager, certains avaient prévu aller à tel endroit, faire telle chose, acheter telle chose, vendre telle chose. Finalement, tout cela ne s'est pas produit. Mais ça, c'est des choses qui ont rapport avec des trucs qui se passent sur le plan global, sur le plan mondial. Mais sur le plan individuel aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver qui parfois viennent changer tous nos plans. Une maladie, une mort subite, un événement qui vient bouleverser tout ce qu'on avait planifié, et ainsi de suite. Donc, personne ne sait ce qu'il y a demain. Et ça fait partie des choses qui sont reconnues par tous les gens, même avant la révélation du Coran, même qu'il y a un poète de la période pré-islamique, de l'ignorance pré-islamique, qui s'appelle Zuhayr ibn Abi Salma. C'est un poète pré-islamique connu. Et dans un de ses poèmes, il dit justement, « Je sais, je connais la connaissance d'aujourd'hui et d'hier. » et de, du jour d'avant. Mais au sujet de la connaissance de demain, hein, je suis aveugle, je ne connais pas. Et encore là, même ça, c'est discutable. Hein? Parce que tu connais ce qu'il y a aujourd'hui et hier, ou avant-hier, mais est-ce que tu connais tout ce qui est arrivé hier et avant-hier? Tu connais ce que tu sais seulement, mais combien de cela t'échappe? Hein? Donc, il y a plein de choses comme ça dans, la, dans notre vie, ou dans, nos, dans, dans ce qui nous entoure, et dans notre quotidien, dans les choses qui nous sont arrivées aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier. Nous, on pense avoir la connaissance de cela, mais en réalité, combien de cela on ignore? Hein? C'est pour ça, des fois, quand je regarde, par exemple, des choses qui sont reliées à l'histoire, ou des choses qui sont reliées à des récits historiques ou des événements historiques, je me dis, subhanallah, à notre époque, aujourd'hui, on a toutes sortes de différentes connaissances par rapport à qu'est-ce qui se passe partout, parce que les gens ont des téléphones maintenant, ils filment tout ce qui se passe partout. Le policier qui là, il y a quelques semaines, a tué un homme noir hein, à Minneapolis. Je pense que c'était à Minneapolis. En tout cas, subhanallah, c'est George Floyd. Subhanallah, cet événement-là s'est retrouvé dans les médias parce que quelqu'un avait un téléphone et il a filmé la scène. Alors que à l'époque où il n'y avait pas de téléphone, où il n'y avait pas de caméra, où il n'y avait pas de moyen de filmer quoi que ce soit, hein, c'est les choses de ce genre pouvaient se produire hein, quotidiennement et personne n'aurait su. Hein, personne n'aurait su. Donc, tout ça pour dire que il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent de qu'est-ce qui est arrivé dans le passé. Et si ce n'était pas de la foi que nous avons, nous les musulmans, qu'il va y avoir une justice ultime et un jugement dernier dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va juger toutes les injustices qui se sont produites entre les créatures depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps, eh bien, comment on pourrait supporter quoi que ce soit de ces injustices-là? Et Allah n'aime pas l'injustice. Hein? Donc, tout ça pour dire que lorsqu'on croit en Allah et lorsqu'on croit en le jour dernier, eh bien, ça nous apaise. Ça apaise notre âme. Parce que ça nous réconforte d'une certaine façon de savoir que les injustices ne vont pas passer sans être jugées et sans être réparées. Même si l'injustice, parfois, elle a été acceptée par les hommes ou même parfois récompensée par les hommes, soit volontairement ou involontairement. N'empêche qu'au jour de la résurrection, ces procès qui ont été faussés, ces injustices qui n'ont pas été punies, eh bien, tous ces procès-là vont être refaits hein, à nouveau. Et tous ceux qui ont été punis injustement vont être dédommagés. Et tous ceux qui ont été libérés ou exonérés ou qui n'ont pas été justement punis tels qu'ils le méritaient, eh bien, ils vont recevoir le châtiment qu'il mérite et qu'il méritait. Et quand on sait ça, et quand on croit en ça, eh bien, ça apaise notre âme. Parce qu'on sait que de toute façon, peu importe qu'est-ce qui nous échappe ou qu'est-ce qui passe hein, à travers les mailles de la justice des hommes, eh bien, ça ne va pas échapper à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, et tout ça pour dire que si un être humain qui vivait dans la jahiliya était conscient qu'il ne savait pas ce qui l'attendait demain, eh bien, que dire de du croyant musulman encore plus. On sait avec certitude que tout ce qu'il y a dans l'avenir ou tout ce qu'il y a demain, eh bien, il n'y a personne qui le connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui a le droit de prétendre connaître l'avenir. Ni les astrologues ou les diseurs de bonne aventure, les voyants, ou bien ceux qui disent, par exemple, qu'ils peuvent prédire l'avenir de quelqu'un avec les signes zodiaques, ou bien avec n'importe quel autre moyen. Il n'y a personne qui sait l'avenir excepté Allah. Et tous ceux qui prétendent connaître l'avenir en dehors d'Allah, c'est des kuffars, c'est des dajjal, hein, c'est des shayatin. Et donc, peu importe. Il y a des charlatans comme ça qui ont des noms musulmans parfois et qui mettent des annonces dans les journaux pour dire si tu veux savoir ton avenir ou des choses de ce genre, hein. Ça, c'est des mécréants, ces gens-là. C'est des kuffars. Ils n'ont rien à voir avec la foi. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Il faut savoir ça. Tous ces marabouts-là, ça, c'est des criminels. Et je ne sais même pas comment des sociétés qui prétendent être des gens qui se basent sur la science et qui croient en... Hein, qui rejettent les superstitions. Et ils tolèrent que ce genre d'annonce soit publiée dans des journaux. Ça devrait être clairement interdit. Hein? À la kulli hal. Ensuite, le cheikh, il explique et il dit... Donc, si c'est quelqu'un qui vivait dans la jahiliya, qui était conscient que c'est seulement Allah qui connaît ce qu'il y a demain, alors les gens qui vivent à notre époque, il devait être encore plus convaincu de ça. Et il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne en dernier, c'est-à-dire le dernier point qu'il mentionne dans le verset, dans Surat Luqman, c'est, et personne, aucune âme ne sait sur quelle terre elle va mourir. Il dit, la mort c'est quelque chose qui est certain. Personne ne peut s'en échapper. Mais on ignore quand est-ce qu'on va mourir et on ignore où on va mourir. Est-ce qu'on va mourir sur terre? Est-ce qu'on va mourir dans la mer? Est-ce qu'on va mourir dans le ciel, dans l'espace, dans un avion, ou hein, dans un train? On ne sait pas. Donc, quand on va mourir, où on va mourir, ces choses-là, c'est seulement Allah qui les connaît. Et il dit à la fin du verset, « Inna Allah alimun khabirun ». C'est-à-dire, Allah est certes omniscient, il a la connaissance de toutes choses, et il est khabir, c'est-à-dire il a la connaissance parfaite. Hein? Il est bien informé, parfaitement informé. Donc les clés de l'invisible, ça c'est des choses que seul Allah connaît. Et il y a donc dans ce hadith l'affirmation de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'explication également de ces clés de l'invisible que Allah a mentionnées dans Surat Al-An'am, verset 59. Cela est donc expliqué dans ce verset. Et ce hadith explique donc ce verset aussi. Et le cheikh explique que le raïb, la signification du mot raïb, c'est tout ce qui est caché des hommes. Et le contraire de al-raïb, c'est al-shahada. Al-shahada, c'est ce qu'on peut voir. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît le raïb et il connaît al-shahada. Alimul raïbi wa al-shahada. Donc, il connaît ce qui est caché et ce qui est apparent. C'est-à-dire, ce qui est apparent aux gens et ce qui est caché pour eux. Wallahu ta'ala alimun bihi. Allah a la connaissance parfaite de tout cela. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera à la suite au prochain cours, l'explication du hadith suivant. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته